Les amours. Il pleut. Dans le creux des chênes, tous les amours sont blottis, et d'enivrantes haleines, montant du val et des plaines, les réchauffent, ces petits. Ce matin, leur troupe folle s'ébattait dans les buissons, courait, légère et frivole, chiffonnant chaque corolle au murmure des chansons. Lutinaient les scarabées dans les roses endormies, et des cerises tombées offraient les rondeurs bombées pour déjeuner aux fourmis. Guettait passer Yvonnette par les sentiers reposés, et partout, sur sa cornette et sur sa boucle follette, mettait un tas de baisers. Le reflet de l'astre unique jouait dans leurs cheveux d'or, et la cohorte magique, idéale et poétique, prenait un nouvel essor. Fuyez, amour! L'ombre passe, là-bas, au rideau des cieux. Déjà, la foudre menace. Allez vite prendre place sous votre abri gracieux. En été, la pluie est douce. Elle caresse un moment l'humide et tremblante pousse. Elle reverdit la mousse. Attendez patiemment. Attendez, sous la feuillée, les rayons vont revenir. Votre aile sera mouillée, et ce n'est qu'ensoleillée qu'elle peut vous soutenir. Le nuage se déchire, tout resplendit à la fois, et les amours de se dire en riant de leur joli rire. Reprenons notre carquois. Et la troupe folle et blonde, sous le rayon éclatant, retourne de par le monde faire à chacun à la ronde le mal que nous aimons tant.